France Inter. Frédéric Sigrist est là aussi, car Frédéric, le festival de la bande dessinée d'Angoulême s'est ouvert aujourd'hui et le spécialiste pop culture BD, c'est vous. Eh ben oui, Charline, parce que je suis comme ça, moi, après avoir fait un blockbuster sur un auteur à qui j'ai pas pu parler, on me demande de faire une chronique sur un festival où je vais pas. Ah, je vous jure, je suis tellement éloigné du terrain, je pourrais être le prochain ministre du Travail. Ce matin, c'est Léa Salamé qui a interviewé Hajime Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans, et franchement, je pouvais de toute façon pas lutter. Depuis qu'elle a interviewé Carlos Ghosn au sortir de sa malle, elle est spécialisée dans tout ce qui sort du Japon. Et puis sincèrement, France Inter, même pas, ils ont parlé de moi aux Japonais. La dernière fois que quelqu'un a autant cherché à cacher mon existence, c'était mon père à sa femme. Mais je vais arrêter d'avoir le seum, on dirait Alex qui parle de foot. Donc le festival de BD d'Angoulême a 50 ans, et ça se fête. Mais ça se fête comme un festival de BD, c'est-à-dire chichement. Oui, le festival d'Angoulême, c'est pas le festival de Cannes. En Angoulême, t'as pas des stars très riches qui se refilent des prix pour avoir bien joué les pauvres. Le seul moyen d'entendre parler dessin à Cannes, c'est que Vincent Lindon joue un biopic sur Charlie Hebdo. Sinon, walou. Même Avignon, avec ses intermittents endettés sur des échasses qui filent des tracts à des spectateurs en claquettes chaussettes, ça fait plus riche. Déjà, Angoulême, c'est en janvier. Ça pèle sa mère. Angoulême, ils ont laissé de côté le strass et les paillettes, ils ont opté pour le strass et les grippettes. Il fait un de ces froids. En plus, la ville, c'est une pente. Il y a un vent. Quand il neige pas, vent et neige. Angoulême, c'est une ville construite dans une narine de Cyril Hanouna. Et on sent bien que les dessinateurs et les dessinatrices, c'est pas des gens qui ont les moyens de mettre de la thune dans le chauffage. La sobriété énergétique, les dessinateurs, ils appellent ça leur vie. Parce que niveau précarité, les illustrateurs, ça se pose là. La réforme des retraites, par exemple, 700 euros par mois, tu dis ça à un dessinateur, il te répond « Autant que ça !» Sauf de très très rares exceptions, tu deviens pas riche en faisant de la bande dessinée en France. Les éditeurs, ils te font des avances. Alors Juliette, c'est pas le même type d'avance que dans le cinéma français. Non, ce sont des avances sur ce que ta bande dessinée est censée rapporter. Par exemple, ton éditeur, il t'invite à déjeuner aux Ondes, la brasserie en face de France Inter, et ben tu sais qu'une fois que ta BD est sortie, tu devras des sous. Pour un Riyad Satouf, le grand prix du jury 2023. Oh, quel pile de risque à Angoulême. Oh, j'avais pas vu autant d'audace depuis le discours d'investiture d'Olivier Faure. Pour ceux qui ne savent pas, Riyad Satouf, c'est l'auteur de L'Arabe du Futur, des Cahiers d'Esther, de Pascal Brutal, des beaux gosses. Ah, il est facile à reconnaître, c'est le rebeu qui est plus souvent France Inter que Jamil Le Schlag. Alors attention, il a du talent, Riyad Satouf. Oui. Mais on a quand même eu 224 émissions et plus de 3 millions d'albums vendus pour s'en rendre compte. Dans une industrie où beaucoup d'auteurs et d'autrices manquent de visibilité, Angoulême vient de donner un petit coup de pouce à un gars qui a beaucoup de mains de rechange. Pour un Riyad Satouf, combien d'autres illustrateurs, dessinateurs, dessinatrices galèrent terriblement. Mais la bande dessinée, ça reste le médium de l'évasion par excellence. D'ailleurs, le livre le plus vendu en France en 2022, c'est une bande dessinée. Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, une BD documentaire qui parle des changements écologiques et économiques profonds que vit notre planète. En 12e position, on retrouve L'Arabe du Futur. En 15e, le manga One Piece devant Virginie Despentes. Le manga Spy Family devant Michel Houellebecq. La BD et particulièrement le manga, c'est ce qui se vend le mieux. Et pourtant, combien de fois j'ai entendu des parents se plaindre en disant « Oh, je suis désespéré, mon fils, il lit que des BD. Oh putain que ça m'énerve. Eh bah Thomas, il lit au moins. Oui, mais moi, j'aimerais bien qu'il lise des romans. Ah ouais? Toi, tu passes ta vie à regarder la Ligue des Champions sur Bein Sports. T'as acheté 2 livres cette année, dont un, c'est Laurent Deutsch qui prend le métro, et l'autre, c'est la biographie de Macron intitulée « C'est pas moi, c'est vous qui avez mal compris. Mais tu voudrais que ton gosse, il attaque Guérépé dès qu'il rentre de l'école ?» Lire une bande dessinée, c'est lire. Point final. La BD, c'est un médium, une narration qui s'adresse à tout le monde et qui parle de tout. Aventure, amour, humour, politique, écologie, féminisme, science-fiction, fantastique, policier, histoire. La BD, c'est pas qu'un divertissement, c'est de la démocratie en images. J'ajouterais qu'il n'y a pas besoin d'attendre un festival pour célébrer la bande dessinée. Il y a en France des tonnes de très bonnes librairies et de bibliothèques à côté de chez vous, remplies d'excellentes BD. Et festival d'Angoulême ou pas, une bande dessinée, ça n'a pas de prix. Merci Frédéric Sigrist. Et bon festival d'Angoulême à ceux qui y sont, bien sûr.